Je vire l'ombre comme un fugitif. Je fais des disques d'or, on m'accuse de récidif. Je triple goal, je fais des passes décisives. Là, je suis avec Brulux, on nique aussi ici. Ah, faut faire les sous-sous, mais y'aura toujours des soucis. Je suis de la bande à Tony, gros, faut niquer Sosa. C'est pour les foufous, qui t'appellent la fafa. C'est qu'on peint dans le compte, mais qui roule en féfé. Que je taffe, j'ai même plus le temps de jean. En survêt, j'ai même plus un jean. Pour les frères, en talk qui cantine. Et ce qui coûte du doré et de platine. J'suis pas de la jet set, que je rexec, que ça me get, j'fume des pet-pet, fais la recette. Gros, j'ai plus le temps, j'vais faire 30 ans, ça fait 20 ans que j'rappe les dents, que je pet-pet. Des trous derrière la veste, m'a planté dans le dos. C'est ça la vie de test, mec. J'crois que ça veut me test, tu connais, on parle pas trop, on fait pas trop de gestes, mec. Ils me connaissent, mal. Je les vois, ils sont pâles. Y'a la municipale, mais mon pote il s'emballe. Assis sur l'arrière de la moto, elle a les fesses qui dépassent. Fais du bien à ton poteau, il te critique, crois quoi que tu fasses. Rien à faire dans le secteur que je tourne en rond, j'écris toute ma vie. J'ai vu les Schmitt, y'avait l'inspecteur, m'a dit fais pas le contre comme peu sur le permis. J'suis posé avec Brulux, tu connais on the flux. On s'en bat les couilles du luxe. Dans le bloc ou dans la rue, ça bibi. Trappe t'as le cousin, danse comme dans Billie Jean. Tout le monde fait rire au volant d'une Lamborghini. En Lamborghini, avec une Miss Mimi. La la la la, ou la la la la. Ou la la la la, ou la la la. Sa mère, 216 c'est les Jégui. Ça parle derrière mais t'inquiète moi je sais c'est qui. T'es qu'une de mère qui s'assoit sur ses acquis. Tu rentres chez toi pendant que je rentre là sans pipi. C'est trop facile, les voyous qui te fascinent, moi je les fascine. Le goudron on l'a tapé dans des tartines. J'fais que du sale donc je fit avec la machine. Juste imagine, ville à 15 points, j'suis pas au Brésil. J'suis tellement trop loin, j'te vois faire des signes. T'es trompé de cabestron, petit imbécile. Double appel de phare, voix de gauche, ouais c'est léger Guy. J'déboîte le car, j'suis ailleurs, j'rate la sortie. Contrôle de radar, les bâtards, j'ai plus de permis. J'suis dans les airs, dans la navette avec l'ovni. J'pars à plus triangle, Mercedes 2020, j'la mets dans l'angle. Carré, j'parle pas 18 langues, tu le sais, tu trahis, reviens pas. Sucé, t'as vu, t'as pris cher pour ma côte gauche. C'est toi ou un autre, façon m'en fiche. Vas-y, viens me rouler une pelle, j'suis la bonne pioche. J'perds du temps, mais en entendant le temps pisse. Non, t'es pas méchant, t'es juste le plus gentil des grands. Tu fais le gros, t'es grave charmant. Tu penses qu'à monter les gens, tu mérites pas de respect, t'es comme mes claquettes. J't'avais dit pour la queue devant ma braguette. J'suis en Porsche Macan, avenue Mac Mahon, j'vois du blanc de blanc sur la placette. Dans le bloc ou dans la rue, ça bibi. Trappe t'as le cosy, danse comme dans Billie Jean. Tout le monde fait rire au volant d'une Lamborghini. En Lamborghini, avec une Miss Mimi.